Mireille Kanyang. Bonsoir et merci de nous rester fidèles, Madame et Monsieur. Bienvenue à l'écoute de cette édition dont voici les grands titres. Les Burundais devront attendre la disponibilité effective des devises d'ici 4 ou 5 ans, des devises issues de nouvelles exportations, notamment les avocats, selon le secrétaire général du parti au pouvoir, ce mercredi en conférence de presse à Ngozi. Le retard dans la passation des marchés publics est l'une des principales causes freinant l'exécution du budget programme, a indiqué ce mercredi le premier ministre burundais devant le Parlement. Les habitants du quartier Mugoboka 2, c'est en mairie de Bujumbura, font face à un manque d'eau. Cela fait près de 2 mois. Ils craignent des maladies des mains sales. Et les usagers de la route nationale numéro 3 craignent la coupure de cette route sur le pont de la rivière Murembwe qui a débordé. Les détails, c'est dans cette édition mise en onde par François Akiman. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Bonsoir. Page politique. La disponibilité des devises sera une réalité au Burundi d'ici 4 ou 5 ans, suite à la multiplication des cultures d'exportation procurant ces devises. Annonce faite ce mercredi par le secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, au terme d'une réunion de 2 jours du comité central de ce parti tenu à Ngozi. Et c'est au nord du Burundi, Révérien de Kuriyo donne l'exemple de l'exportation d'1 million de tonnes d'avocats qui feront entrer environ 1 milliard de dollars d'ici 5 ans. Le responsable national du parti au pouvoir invite tous les Burundais à l'adhésion à ce projet, le pont avec Apollinaire Muzagar. Dans une conférence de presse animée à Mumba en province Ngozi, au terme d'une réunion du comité central du parti au pouvoir, le secrétaire général du CNDD-FDD promet une lutte acharnée contre la pauvreté durant les 5 années à venir. Révérien de Kuriyo évoque même des solutions face à la carence des devises d'ici 5 ans par le biais de l'augmentation de la production pour les cultures d'exportation et la multiplication de ces cultures qui génèrent ces devises. Il cite entre autres l'avocat qui devient désormais une culture d'exportation. Selon le numéro 1 du parti au pouvoir, le Burundi exportera dans 5 ans 1 million de tonnes d'avocats qui procureront 1 milliard de dollars américains. Quant à la culture de café, le Burundi exportera d'ici 5 ans 45 000 tonnes de café pour récolter 1 milliard 810 millions de dollars américains. Il revient sur d'autres nouvelles exportations dont les fertilisants et autres. Le secrétaire général du parti CNDD-FDD indique que ce lundi va débuter la campagne de sensibilisation de la population pour s'atteler à cette culture et invite tous les Burundais à y adhérer. Donc aussi, Apollinaire Muzagara, Radio Isanganiro. Dans cette conférence de presse, le secrétaire général du parti au pouvoir s'est en outre exprimé sur le récent communiqué des évêques catholiques du Burundi en matière de justice. Selon Révérien de Kuriyo, ces évêques n'ont pas eu tort. Il s'est aussi exprimé sur les recrutements qui seraient basés sur le favoritisme et des cas de disparition. On l'écoute dans cette traduction française de Placide Niyomungere. Moi, je suis de près les cadres de l'État. Vous voulez que je suive en même temps les ministres et toute autre personne dont je ne sais pas même son agenda? Vous allez alors m'exiger d'impliquer les putschistes. Mais si vous évoquez la question des recrutements, les tests sont actuellement organisés partout. Nous apprécions alors le contenu de ce communiqué car il nous permet de nous évaluer et l'État peut mener des investigations pour savoir là où des irrégularités ont été constatées afin de savoir qui a déposé son dossier et qui n'a pas été pris en compte. On demandera tous ces détails. Ils ne sont pas les seuls à dénoncer ces irrégularités. Il y en a d'autres qui nous le disent, mais on se demande d'où se passe exactement ce genre d'anomalie. Moi-même, j'ai eu un coup de téléphone d'une personne qui m'a demandé d'intervenir pour qu'elle trouve l'emploi. Je lui ai dit qu'il faut passer des tests de recrutement, comme tant d'autres Bagumyabanga que je dénombre en termes d'une 10 millions. Ils me disaient qu'ils sont chez le secrétaire général et qu'ils ont terminé leurs études, mais restent toujours sans emploi. Je leur réponds que je suis secrétaire général pour tout le pays et pas pour eux. Je les oriente vers les tests de recrutement d'avoir une bonne note pour qu'ils ne reviennent pas se lamenter qu'ils n'ont pas été recrutés pour l'une ou l'autre raison. Au niveau de la justice, nous le disons toujours qu'il y a, ça ne va pas. Même dans cette réunion du parti que nous venons de tenir, nous recommandons au personnel de la justice, aux magistrats, des séances de moralisation sur la déontologie, le patriotisme, les valeurs humaines, etc. Tout ce qu'ils évoquent, c'est ce que nous voulons aussi. Pour la question des disparitions, nous demandons aux familles d'alerter à temps pour que nous tous se mettons à la recherche de cet individu porté disparu. Au pays, on n'a pas d'ange. À l'origine de ces actes se trouvent plusieurs mobiles. Il y a même des gens qui donnent de l'argent pour que quelqu'un reçoive un coup de poignet ou soit tué. C'est pourquoi nous demandons à la population d'alerter à temps pour que des enquêtes commencent afin de retrouver la victime. Révérend Dikuriyo, secrétaire général du parti au pouvoir, le CNDD, FDD, le Conseil national des Bashinganahe encourage les dirigeants et le peuple burundais à cultiver et renforcer les valeurs de justice sociale, de vérité et d'humanisme au Burundi. Pour le président du dit conseil qui s'exprimait dans une conférence de presse ce mercredi, les relations humaines requièrent ces valeurs pour faire face aux sources de conflits pouvant apparaître à tout moment. Adrien Siboman indique en outre qu'il y a nécessité de sauvegarder cette coutume du Bushingana et pour qu'on puisse espérer le développement du pays. On l'écoute au micro de Jean de Dieu Irakoze. Est-ce que l'institution est toujours nécessaire? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire de dire la vérité? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire d'agir équitablement? Qui pourrait dire que ce n'est plus nécessaire d'être juste, de se comporter correctement vis-à-vis des autres, d'appuyer, d'aider chaque fois que vous rencontrez quelqu'un qui est en difficulté et que vous pouvez le faire? La nécessité s'impose. C'est toujours nécessaire d'avoir toutes ces valeurs humaines qui nous différencient des autres pays. L'institution est plus que jamais nécessaire, puisque la tentation est grande de faire le jumafoutisme, de vivre chacun pour soi et Dieu pour tous. Ce que je pourrais donner comme message à tout Burundais, les dirigeants y compris, c'est d'encourager ces valeurs. Dans la profession publique, si je vais rencontrer un juge, que je le trouve intègre, si je vais chez un comptable, que je le trouve intègre et prêt à se donner pour que je sois bien servi. Je vous assure, ça fait plaisir quand on va dans le service public et que vous voyez que les gens, assez rapidement, essaient de vous servir comme il faut. Avant même de faire de grands plans de développement économique, il faut d'abord que les consciences se remettent en place pour les valeurs traditionnelles que nous partageons par ailleurs avec certains autres pays. Le mot Ubuntu est un mot qui dans la région circule en Afrique australe et chez nos voisins. Donc, le message, que ce soit aux dirigeants, que ce soit aux citoyens, que ce soit à n'importe qui, c'est qu'il faut vraiment cultiver et renforcer ces valeurs humaines d'Ubuntu, d'Ubushinganahe, ces valeurs humaines d'ardeur au travail, ces valeurs humaines d'assistance communautaire. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. À 18h09 dans le studio de la radio Isanganiro, poursuivons cette édition. C'est ce mercredi 24 avril que le Premier ministre burundais a présenté devant le Parlement, au Parlement, le rapport du plan de travail et le budget annuel. Le ministre Gervais Ndirakobucha apprécie le budget programme ayant facilité l'atteinte de bons résultats dans différentes activités. Cependant, Gervais Ndirakobucha reconnaît que la passation des marchés publics a entraîné le retard dans certaines réalisations. On l'écoute. La planification en termes de budget programme a conduit à de bons résultats, à la fois en termes de réalisation des activités et en termes de bonne gestion des allocations budgétaires. Toutefois, le gouvernement s'est heurté à un programme en problème de planification à un bon moment des activités qui nécessitent la passation des marchés. Cela a entraîné le retard dans la réalisation de certaines activités. Ce problème devra être corrigé avec le PTBA à 2024-2025. Lors de cette présentation, des députés et sénateurs ont voulu savoir pourquoi la décentralisation n'est pas effective pour les communes de la mairie de Bujumbura en rapport avec la collecte des recettes fiscales. Et d'autres ont soulevé des inquiétudes par rapport à la pénurie des produits Brarudi et le manque des produits pétroliers. Je vous l'annonce en titre, les habitants de la cellule Viseruko au quartier Mugoboka 2 s'inquiètent du manque d'eau auquel ils font face. En effet, ces tuyaux d'alimentation en eau ont été cassés depuis environ un mois et demi suite à des fissures qui se sont formées dans cette localité. Demande à la régie des eaux de voir comment procéder à une nouvelle adduction en eau potable pour éviter des maladies liées au manque d'hygiène. Edouard Nizigama, médiateur collinaire, affirme que tous les 9 robinets que compte cette cellule sont à sec et demande l'intervention des autorités habilitées. Le point avec Omer Douayo. Cette cellule a manqué d'eau. Compte 9 robinets publics, alimentant 6000 habitants environ, disent les élus locaux. Depuis l'apparition des fissures dans cette localité, le mois de février dernier, les tuyaux d'adduction en eau potable se sont cassés, causant ces robinets à ne plus recevoir d'eau pour avoir de l'eau à boire. Indiquent ces habitants, ils marchent pas moins de 5 km vers la zone de Mouyira, bien approvisionnée en eau, faisant un trajet d'au moins 5 heures, l'aller-retour. Le pire encore, ils trouvent cette eau à un prix élevé, déplore-t-il. Depuis que les fissures se sont formées dans cette localité, des tuyaux n'ont pas duré. Pour avoir de l'eau, aujourd'hui, nous payons 3000 francs par bidon à celui qui va la chercher en zone Mouyira. Ce n'est pas facile. Nous demandons à la régie des eaux de trouver solution à ce problème. Celui qui ne parvient pas à trouver 3000 pour un bidon se rabat sur l'eau de la rivière Nahangwa. Je ne suis pas en mesure d'arriver à Mouyira pour puiser de l'eau. En plus de cela, je suis veuve, j'ai 5 enfants. Ces enfants vont à l'école sans faire la douche. Nous consommons de l'eau de la rivière Nahangwa. Ils craignent d'attraper les maladies des mains sales. Edouard Nizigama, l'un des notables collinaires, demande aux autorités habilitées d'approvisionner cette cellule en eau potable. Cette cellule est Visekuru à 9 robinets publics. La source d'eau que nous utilisions est à Mouyira. Les fissures qui se sont formées dans cette localité ont engendré la coupure. Nous demandons l'intervention de la régie des eaux. La cellule Visekuru compte au moins 1500 ménages, affirment les élus locaux. Parlons agriculture à présent. Les arriérés chiffrés à 27 milliards de francs burundais dus aux agriculteurs ayant vendu leur production de graines de maïs à l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, l'AGESA, ont été payés, comme récemment recommandé par le Premier ministre. Une affirmation du directeur général de cette agence qui informe que plus de 33 000 tonnes de graines ont déjà été collectées sur des prévisions de 25 000 tonnes. Joseph Ndouiman a fait savoir que la campagne de collecte de cette production sera provisoirement clôturée à la mi-mai. On l'écoute. La campagne de collecte se passe normalement. Nous sommes déjà à des quantités de plus de 33 000 tonnes collectées. Nous avons déjà entamé même une opération de désengorgement des hangars que nous jugeons engorgés. Et les quantités désengorgées sont orientées vers des hangars plus spacieux qui sont localisés dans certaines provinces comme Kitega, Changzhou, Ngozi et Bujumbura, en vue d'assurer une bonne gestion des stocks collectés et de minimiser au strict minimum les éventuelles pertes. Au début de la campagne, nous avions l'intention de collecter prévisionnellement 25 000 tonnes. À présent, nous sommes déjà à des quantités largement supérieures. Et la raison essentielle est que la production du maïs a été très bonne cette saison. Il y a plus d'une semaine, le Premier ministre burundais avait donné l'injonction à la NAGESA de payer des arriérés. Où en êtes-vous? Depuis la réunion tenue par son Excellence le Premier ministre de la République du Burundi, à l'époque, nous étions en stock de plus de 29 000 tonnes et nous avions les fonds nécessaires pour liquider toutes les dettes qui étaient à l'époque à 27 milliards. Nous les avons effectivement liquidées, mais dans l'entretemps, il y a eu des quantités, d'autres quantités de maïs qui ont été collectées, de telle façon que nous sommes à présent à plus de 33 000 tonnes. C'est la raison pour laquelle il y a encore des quantités de maïs qui ne sont pas encore payées, parce que le stock a augmenté. Pour certains agriculteurs, je vous donnerai l'exemple de la commune Itaba en province de Gitega, où des agents de la NAGESA a-t-on appris qu'ils ont intimé l'ordre à ces agriculteurs de payer d'abord une taxe. Que signifie cette taxe si vous êtes au courant? Personnellement, je ne suis pas au courant de ça. Ce que je peux dire, c'est que la collecte que nous sommes en train de faire n'a rien à voir avec la taxe. Donc, quiconque aurait demandé une certaine taxe, le fait en dehors de la loi, il doit être appréhendé et jugé si réellement il aurait fait ça. Joseph Ndouimana, directeur général de l'Agence nationale de gestion du stock de sécurité alimentaire, ANAGESA. Et les usagers de la route nationale numéro 3 parlent d'un risque de coupure de cette route au niveau de la vallée de la rivière Murembwe, au sud de la ville de Lumonge. Cette rivière a en effet débordé suite à d'intenses pluies tombées dans cette localité dès la matinée de ce mercredi. Et ces crues passent par cette route. Ces usagers de la RN3 s'inquiètent. Le point avec Jean-Pierre Misago. Après avoir inondé la partie orientale de la route nationale numéro 3 dans la Parmerée villageoise dans la vallée de la rivière Murembwe ce mercredi matin, les crues de cette rivière ont fini par se créer un passage dans cette route entre les points kilométriques 75 et 76 et la situation était pareille même le soir de ce mercredi. Les usagers de cette route redoutent déjà la coupure de cette route à ce niveau au regard de cette situation. Sont manifestants ces derniers temps. Pour certains ingénieurs contactés, ces inquiétudes sont fondées si cette situation perdure. Les habitants des quartiers sud de la ville de Rumonge disent être sous menace eux aussi de ces crues de la rivière Murembwe, de même que la prison centrale de Rumonge où les crues de cette rivière combinées à la montée des eaux du lac Tanganyika menacent cette prison selon certains de ceux présents dans les environs de cette maison de détention. Ici, le directeur de cette maison pénitentiaire dit qu'il n'y a rien d'anormal, mais si il ne nous a pas permis le constat. Alors que c'est l'inquiétude chez les uns, certains enfants en ont profité pour ramasser des poissons à l'aide d'une moustiquaire près du pont de cette rivière. Jean-Pierre Misago, depuis la vallée de la rivière Murembwe, Radio Isanganiro. Parle, rassure-moi. L'expression d'opinions différentes peut contribuer à consolider la paix dans les communautés. Si elle n'est pas permise, cela peut être une source de violence, surtout de la part des membres qui se sentent sous-estimés. L'affirmation est celle des habitants de la commune Ruhororo en province Ngozi. Et l'expert en leadership Odile Nakirutimana indique que pour éviter de telles situations, les différents responsables doivent donner la chance de s'exprimer à tout le monde, car à travers leurs idées peuvent naître celles qui contribuent à bâtir une société paisible. La chronique parle, rassure-moi, avec Francine Dehukugayo. Ils habitent la colline Mubanga de la commune Ruhororo en province Ngozi. Ils témoignent que certaines personnes se permettent de refuser aux autres le droit de donner leurs avis. En donnant mon opinion, des fois, les gens pensent que je cherche mes intérêts. Cela fait que quand quelqu'un d'autre exprime son opinion, il aura tendance à me contredire et à empêcher les autres à m'écouter. La conséquence, personne n'aura plus le courage de me donner son avis ou son opinion. Cela peut être possible selon la position occupée ou la fonction que cette personne exerce. Par exemple, dans un parti politique ou comme administratif. Dans ce cas, il est difficile qu'il accepte les opinions des autres. Il reste campé sur sa position. Son comportement d'imposer son opinion aux autres est caractéristique des gens imbus d'un complexe de supériorité ou tout simplement qui pensent avoir le monopole de la raison. Si les gens sont empêchés de s'exprimer, ils peuvent se révolter. Dans ce cas, ceux-ci commencent à chercher des complices pour leur tenir. D'où le phénomène d'un esprit mal intentionné. Celui-ci fait causer une chasse à l'homme. Les gens qui n'ont pas les mêmes opinions se chamaillent et s'accusent en empêchant les uns de se tenir les idées des autres. Soit disant qu'elles ne sont pas constructives. D'où le désordre dans la communauté qui conduit à une mauvaise cohabitation. Donc, tu ne peux pas avancer. Si on t'empêche de s'exprimer librement, toi-même, tu ne te sens pas à l'aise dans tout ce que tu fais à cause de la peur. Dans ce cas, tu préfères tout abandonner sans même penser à faire un projet de développement. L'experte en leadership, Odile Nakilutimana, fait savoir que le fait de ne pas prendre en considération les opinions des autres peut conduire à des violences. Ça crée de la haine et c'est peut-être par là que la personne commence à se venger de l'autre, comme dénigrer, créer des rumeurs contre la personne avec qui elle est en conflit suite aux tensions existant entre deux groupes. Cela peut même arriver aux tueries, car la haine entraîne des conséquences profondes et dangereuses pour les droits humains. Cet expert en leadership conseille aux membres des groupes ou leurs chefs de donner place à la diversité d'opinions, car des avis des uns et des autres peuvent jaillir les idées qui bâtissent une nation prospère. Ainsi s'achève cette édition. Merci Madame, Monsieur de l'avoir suivi. Merci également François Kimana qui a assuré la mise en onde. Très bonne suite de nos programmes.